J'espère tu reposes en paix. Ça fait des années, mais ton image ne cesse de me hanter. T'es parti depuis, j'ai encore moins d'amis. Même ceux du GANG ont beaucoup changé. Pour moi, comme avant, je continue mon parcours. Je cours, et enfin, je peux t'envoyer le bonjour. Tu avais raison, le rap c'était fait pour moi. Avec Stomy et les autres, on pousse le secteur AA. Au fait, il y a aussi le Bisso Namiso, un son sur lequel on aurait serré dans les soirées afro. On se tapera pas notre délire, vacances, Cameroun, Congo. On se souviendra que de la côte et des serrages dans l'eau. L'autre fois, j'ai vu ton frère, calme, posé, emménagé, on s'est retrouvé. On a bien damé, j'ai plus trop de nouvelles du reste de ta famille, ta sœur, ton cousin, ta mère. J'espère qu'ils vont bien. Parmi nous, toutes celles qu'on voulait, certaines ont fané. Je suis sûr que si on les croisait, on se mettrait à vanner. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, peut-être que tu sais déjà d'où tu es là, tu me vois et tu me manques là-haut. Tu me manques là-haut. Tu me manques là-haut. Tu me manques là-haut. Les frères copains braillés, j'admirais, ils me racontaient leurs conquêtes, cravates, soirée t'aspect les rats, t'aimais l'ascar, je voulais être quelqu'un dans le checkar. Car de rien, je voulais peser par mes propres moyens, graver mes initiales en larves dans le futur. Jour après jour, plus parano, j'accélérais l'allure. C'est relou, dans ma vie, je suis devenu encore plus chelou. Plus je ravis, je pèse, plus j'ai des histoires de fous. Le soir, je fais de nouveaux rêves, à vrai dire des cauchemars. Au-dessus de ma tête, toujours ce putain de corbeau noir. Dans la foule en furie, le film défile au ralenti. La faucheuse passe, la poisse, mon corps se glace. Ça se passe en soirée. Maintenant comme l'araignée, mes sens sont déclenchés. Je suis carré droit dans mon coin froid, mais où est passé le passé qui délirait, qui tout le temps s'éclatait. Tu me manques là-haut, tu me manques là-haut. Salut, comment tu vas? Je sais que de là-bas tu vois et veille encore sur moi. C'est Darani, Eric, Christian, Josti vont bien aussi. Si je te parle, c'est avec eux, je te salue aujourd'hui. Ils sont tous devenus papa et maman. À part le petit et moi, c'est pas encore le moment. Ah vraiment, tes descendants ont les mêmes traits que toi. Je suis plus vieux, je comprends mieux, avant je n'écoutais pas. Ton passé à l'occasion de t'envoyer ces quelques mots. Fais une bise à grand-mère et aux tontons là-haut. Grand merci, c'est ainsi, je te dois la vie vive. Félicitations, ta grande famille est unie. Sois fier des tiens, tes filles, tes fistons, ton passé, tes rires colères. Tu avais raison, ma folie, toujours le rap. Mon album t'est dédié à ta Tanzambe, ta tête, tu ne cesses de me manquer. Tu me manques là-haut, tu me manques là-haut.